Bonjour, je suis Léo et vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette seconde émission. Comme vous le savez, c'est la saison du printemps et les Japonais y accordent une importance particulière avec la floraison des cerisiers en fleurs. Cette saison rime avec joie et convivialité, mots qui vont être les moteurs de La Lanterne des Otaku. Au programme, dans l'aspect traditionnel, je vais vous emmener à la découverte de Fujiyoshida, la ville au pied du mont Fuji. Ensuite, on passera de la terre à la mer, à travers l'histoire de Hokusai, l'artiste à l'origine de la fameuse grande vague de Kanagawa. Pour le côté pop culture, on restera dans l'époque féodale, avec mon manga de coup de cœur, Intrépide, suivi des sorties manga et conventions du mois d'avril dans la région. Enfin, et comme à chaque fin d'émission, je reçois un invité qui a cœur de promouvoir le Japon, et mon invité sera Claude Schneider, président de l'association des courses sportives de Strasbourg et organisateur principal de la Japan Weekend qui se déroulera dans la même ville. Mais avant d'aborder tout ça, passons en revue les actus au pays des samouraïs. Il m'était impossible de ne pas évoquer son nom. En effet, les fans de Dragon Ball Z sont devenus orphelins de Akira Toriyama, qui nous a quittés le 1er mars 2024 à l'âge de 68 ans. Décédé des suites d'un hématome soudural aigu, le mangaka aura été un pionnier du manga et Dragon Ball, l'œuvre de sa vie s'est vendue à environ 260 millions d'exemplaires dans le monde. Les réactions se sont faites nombreuses, à commencer par son confrère Eiichiro Oda, auteur de One Piece, qui exprime sa gratitude au monde richement créatif que Toriyama, Sensei, a laissé derrière lui, et prié pour son repos du fond de notre cœur. Enfin, du côté de l'Occident, le Premier ministre français Gabriel Attal rend hommage à Toriyama, qui aura définitivement fait rentrer le manga et la culture nippone en France. Oui, un géant nous a quittés, mais il a laissé un héritage inépuisable à travers le monde. Alors pour tout ça, merci, Monsieur Toriyama. Avis à tous les voyageurs qui comptent se rendre au Japon. Les touristes avaient jusqu'à fin mars 2024 pour déambuler au milieu des geishas. À partir du mois d'avril, la mairie de Kyoto va interdire l'accès aux ruelles du quartier historique de Jin afin de lutter contre le surtourisme. Les responsables locaux pointent du doigt l'attitude de certains touristes qui se comportent de manière irrespectueuse. D'après les témoignages recueillis par le South China Morning Post, ces personnes importunent les geishas dans la rue. Toutefois, des mesures mises en place en 2019 consistant à mettre à l'amende les touristes irrespectueux envers elles n'ont pas été très efficaces. Sachez que le Japon ne se résume pas qu'à Kyoto, et qu'on peut très bien retrouver la même ambiance dans d'autres préfectures. Alors, sortez de temps en temps des sentiers battus pour ceux qui veulent aller au Japon, et vous verrez que vous serez aussi satisfait. Enfin, le Premier ministre japonais Fumio Kishida souhaiterait rencontrer son homologue nord-coréen Kim Jong-un, en convoquant un sommet entre les deux pays. D'après la sœur du dirigeant de la Corée du Nord, Kim Yo-jong, Monsieur Kishida a fait part de son souhait de rencontrer le président de la Commission des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée le plus tôt possible. Cette dernière a cependant posé certaines conditions en ajoutant que si le Japon veut sincèrement améliorer les relations entre les deux pays pour contribuer à garantir la paix et la stabilité dans la région, il doit avoir le courage politique de faire des choix stratégiques conformes à ses intérêts nationaux. De son côté, le chef du gouvernement japonais a expliqué devant le parlement nippon qu'il était important d'avoir des discussions au sommet avec Pyongyang pour résoudre des contentieux. Néanmoins, ces tentatives de rapprochement s'avèrent très compliquées, avec d'une part les affaires d'enlèvement de Japonais, qui se sont déroulées entre les années 70 et 80, et d'autre part les essais nucléaires dont vous avez souvent entendu parler de la Corée du Nord, qui se sont parfois approchés près des zones territoriales du Japon. Autrement dit, les deux pays ne sont pas prêts de célébrer la Saint-Valentin ensemble. Vous écoutez La Lanterne des Otaku sur Fadjet, l'émission 100% Japon. Don't let me down. I never feel love. Don't make it more. Vous venez d'écouter Don't Let Me Down de Mariya Nishiuchi. Tout de suite, direction Fujiyoshida, la ville au pied du mont Fuji. Au moment de la floraison des cerisiers en fleurs, beaucoup vont vers les principales villes, Kyoto, Tokyo, Osaka ou que sais-je. Seulement, beaucoup ne pensent pas à Fujiyoshida qui offre une carte postale unique. De la pagode de Chuleto au Onsen, allons découvrir ensemble cet endroit authentique. Accessible à moins de 2 heures de train de Tokyo, Fujiyoshida se situe dans la préfecture de Yamanashi, au centre de l'île de Honshu. Comparée aux grandes villes, elle abrite un peu plus de 40 000 habitants à l'année. Fujiyoshida est notamment connue pour sa pagode Chuleto, que l'on voit en image lorsque l'on saisit le mot « Japon » sur Google, mais elle ne se résume pas qu'à cela. Pour ceux qui raffolent des sanctuaires shintoïstes, celui de Kataguchi Fuji Sengen Jinja est vraiment très particulier puisqu'il s'agit de la ligne de départ pour l'ascension du mont Fuji. Ce qui fait la magie de ce lieu, ce sont ses lanternes recouvertes de mousse et son allée de pins qui nous donne le sentiment d'être coupé du reste du monde. Tant qu'on y est, vous pouvez également vous lancer dans cette fameuse ascension de notre cher Fuji-san d'une durée de 11 heures. Ou moins si vous voulez. Comme l'ont fait les pèlerins, n'oubliez pas de faire un passage vers ce sanctuaire pour vous purifier. Pour les mordus de sources chaudes, les onsen sont une institution. À Fujiyoshida, vous pouvez en trouver une bonne paire. Pour votre information, l'eau des bains provient de notre cher Fuji. En plus d'être une divinité, elle fait don de sa ressource la plus précieuse. Les habitants n'oublient jamais de prier la montagne. Cependant, il ne faut pas ignorer que le mont Fuji est un volcan qui peut entrer en éruption, ce qui pourrait être le cas d'ici les prochaines années d'après des spécialistes. Enfin, les amateurs de sensations fortes seront conquis par le parc d'attractions Fuji-Q Highlands. On y trouve beaucoup de manèges, une maison hantée ou encore des montagnes russes. Mais mieux encore, une zone spéciale Naruto vous plongera dans l'univers de la pop culture. Tout en restant dans ce thème, l'hôtel Highland Resort Hotel and Spa, qui abrite une chambre Naruto, où vous pourrez participer à un petit jeu d'énigmes à résoudre. Attention, il faudra débourser 560€ pour une nuit, mais ça peut être abordable si vous êtes plusieurs. La chambre a une capacité maximale de 6 personnes. Mais je vous rassure, il y a pas mal d'hôtels à Fujiyoshida qui coûtent environ 60€ pour une nuit, donc ne vous inquiétez pas. Pour la pause repas, vous avez pas mal de restaurants de ramen ou de udon. Pour terminer en douceur, il vous faut goûter absolument au chiffon cake, une sorte de brioche à l'effigie du mont Fuji. Avec toutes ces activités, Fuji Yoshida jouit d'un potentiel unique, quelles que soient les saisons. Plus de Japon sur la lanterne des otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Le japonais dont je vais vous parler aujourd'hui a marqué l'histoire grâce à un dessin mondialement connu, la grande vague de Kanagawa. Hokusai a su se faire un nom dans le monde entier. Pendant 70 ans, il n'a jamais cessé de dessiner la beauté de la nature. Avec plus de 90 000 œuvres, il a influencé beaucoup d'artistes du monde entier. Aujourd'hui, c'est l'histoire de ce japonais avec un grand J que je désire vous raconter. 1785, à Edo, l'ambiance est plutôt agitée. Les gardes du shogun viennent brûler les peintures qui ne seraient pas conformes à la loi de l'époque. En parallèle de ces scènes surréalistes, apparaît un jeune homme passionné par le dessin, Hokusai. Le jeune artiste dit survivre en vendant quelques dessins. Ne vous fiez pas aux apparences, Il est assez borderline et se fait détester par des geishas qui le qualifient de singe. En effet, lorsque Hokusai dessine des geishas, il les fait tenir debout pendant plusieurs heures. Donc c'est d'où ce qualificatif un petit peu désobligeant. Les peintres expérimentés lui reprochent son manque d'originalité lorsqu'il dessine. En effet, il se contente de reproduire ce qu'il voit. À cet âge, le but d'Hokusai était de dépasser ses maîtres, mais ces derniers le trouvent trop prétentieux et refusent ses œuvres. Avec le recul, la peinture, par plaisir, finit par prendre le dessus, et Hokusai a trouvé une raison d'être, par la force de la mer et des vagues. Son mentor, Tetsuya, le voit métamorphosé. Quelque temps après, Tetsuya mourra d'une maladie grave, mais son disciple a gardé son désir de promouvoir les œuvres d'artistes japonais dans le monde entier. Les décennies passent et Hokusai se fait vieux. Mais l'État demeure de plus en plus procureur de la censure de certaines œuvres, troublant l'ordre public. À 70 ans, Hokusai a toujours l'envie, le plaisir, qui va le pousser à entreprendre un long voyage de 2 ans à travers le Japon. Le problème est qu'il est mal en point, mais ce n'est pas ce qui va l'arrêter. Tout au long de ce périple, il dessinera toutes sortes de paysages, dont le Mont Fuji, mais pas que, des fleurs, des animaux et toutes sortes de choses. Aussi, il trouva une arme qui va changer l'identité de ses œuvres, le bleu de Prusse, importé d'Occident. C'est avec cette couleur qu'il va réaliser le dessin qui le rendra populaire, la grande vague de Kanagawa. Malgré le succès de l'œuvre, le shogunat lui tourna le dos, au point de demander à son fils de le chasser de chez lui. Celui-ci refusera et sera exécuté par les gardes. Jusqu'à son dernier souffle, il continua de peindre encore, encore et encore. La grande vague de Kanagawa est l'estampe la plus célèbre du monde. Durant son fameux voyage, il mit ses illustrations dans des carnets de voyage et publia des petites histoires pour en faire des mangas. On est bien d'accord que ça ne prenait pas les mêmes formes qu'aujourd'hui. Mais Hokusai est bien celui qui a inventé ces petites BD de poche que vous lisez tout le temps. Hokusai a inspiré des peintres comme Van Gogh, notamment dans son œuvre La Nuit du Ciel étoilé, ou Monet. Hokusai, c'est plus qu'un nom, c'est un héritage éternel. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon, sur Fadjet. abordons tout de suite la pop culture avec mon manga coup de cœur. Lors de la précédente émission, nous nous étions plongés dans une ambiance inspirée de la Grèce antique avec Pilgrim, écrit par Shindo, dont je vous invite à écouter l'interview dans le podcast de la première émission de La Lanterne des Otaku. Aujourd'hui, c'est celle du Japon féodal, avec un petit bijou, Intrépide, Keiji Maeda et Kanetsugu Naoe, Confidence à la Lune. Intrépide est le récit d'un samouraï, Keiji Maeda, qui décide de raconter l'histoire de son ami, Kanetsugu Naoe, à la Lune. À travers cette série très récente, nous plongeons dans l'époque Sengoku du 16e siècle. La qualité du dessin est remarquable et j'aime beaucoup la personnalité de ce héros qui est pour la justice. Sans faire trop de spoil, on nous raconte une époque où l'esclavage est présent, il y a des abus, des violences qui peuvent surgir des maîtres envers les esclaves et vraisemblablement, Kanetsugu veut lutter contre ce fléau, le fléau qui porte un nom, la justice. Attention, certaines images, peuvent être choquantes et trash, mais elles ont au moins le mérite de nous montrer les conditions de vie de cette époque. Plus de pop culture, votre émission 100% Japon revient dans un instant sur Fadjet avec les sorties manga et conventions à venir dans la région. We haven't had enough. Le mois d'avril démarre fort, avec la très attendue sortie du tome 107 de One Piece, avec la suite des aventures de l'équipage au chapeau de paille sur l'île Deckhead. La sortie est prévue pour le 3 avril. S'il vous reste un peu de place, le 23e tome de Jujutsu Kaisen emboîtera le pas le lendemain. Pour ceux qui seraient intéressés par Intrépide, le manga dont je viens de vous parler il y a un instant, le 3e tome sera publié le 14 avril 2024. Enfin, vous avez le tome 12 de Shangri-La Frontière. Et un peu plus féminin, vous avez le tome 5 des Carnets de la Porticaire, qui sortiront tous les deux le 17 avril. Concernant les conventions, ceux qui aiment le Japon traditionnel ou les sports japonais, rendez-vous les 6 et 7 avril à Strasbourg dans la Japan Weekend sur la presqu'île Malraux avec des démonstrations d'arts martiaux ou encore une compétition Mario Kart, mais je laisserai mon invité en dire plus dans quelques instants. Pour terminer, une petite convention nancéenne se tiendra à l'Octroi de Nancy, Sakurais, le week-end du 27 et 28 avril 2024, au programme du cosplay et de la bande ambiance, alors notez ce rendez-vous dans votre agenda. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Nous voici donc à la dernière partie de l'émission, Parole de Samouraï, où je donne la parole à des intervenants qui valorisent le Japon et sa culture. Mon samouraï du jour est Claude Schneider. Il vient nous parler de la Japan Weekend et des animations prévues pendant cet événement. Alors, eh bien, bonjour Monsieur Schneider. Merci d'accepter l'interview de Fadjet au sein de l'émission La Lanterne des Otaku. Donc, je rappelle, vous êtes le président de l'association des courses sportives de Strasbourg et organisateur de la Japan Weekend. Donc, je vais commencer par une question simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour les auditeurs en quoi consiste cet événement, s'il vous plaît? Bien entendu, mais bonjour tout d'abord. En fait, le Japan Weekend est en fait la résultante du développement de l'Ekiden. Alors, l'Ekiden, c'est un marathon par équipe qui est d'origine japonaise. Donc, c'est la résultante. Pourquoi? Parce que chaque année sera ajouté un autre événement d'origine japonaise. Et donc, aujourd'hui, nous avons un vrai week-end qui associe à la fois culture, musique, exposition, bien sûr de la gastronomie, bien sûr des mangas, bien sûr des jeux vidéo, bien sûr aussi des films. Mais à côté de cela, il y a la partie sportive. Et la partie sportive, c'est une partie sportive bien sûr avec éthique, puisque c'est les arts martiaux qui le samedi et le dimanche ont des séquences de présentation et en même temps, il y a l'Ekiden de dimanche matin, où il y a à peu près dans les 300 équipes de présentes, hein, et qui effectivement se relayent pour faire le marathon, c'est-à-dire 42 km 195. Voilà. Donc maintenant que je vous ai dit ça, c'est vrai que si on regarde dans la logique, je dirais, spatiale, il y a deux choses. Il y a d'un côté un village partenaire qui se passe au niveau de la passerelle de Camille Claudel. Ce Oui. village partenaire comprend toute une série de stands. Alors, je ne vais pas vous les citer tous, hein, mais évidemment, vous retrouverez des stands de graphisme, des stands de gastronomie, des stands avec des expositions. Vous retrouvez bien entendu des stands de la ville de Strasbourg. Enfin bon, des stands effectivement qui parlent du Japon. Des Pour stands choisir très ce variés et qui représentent tout un pan de la culture japonaise. Voilà. Et il y a autre chose aussi. Il y a aussi cette notion de jumelage avec la préfecture de Kagoshima. Donc il y a plusieurs démarches. D'ailleurs, il y aura une visio d'échange sportive sur le podium avec Kagoshima. Ce sera pour du karaté cette année. Après, il y a toute la partie aussi, comment dire, je dirais japonaise au point de vue culturel sur la scène. Il y a d'un côté le village partenaire et ensuite il y a une scène avec animation. Et l'animation, ben, on aura la chance d'avoir du taiko. Ben, oui, ça c'est Oui. maintenant, comment dire, normal. On aura du shamisen aussi. On aura le groupe de danse Yosakai. Et bien entendu, on aura aussi des moments, je dirais, plus sympathiques, plus, enfin, c'est pas plus sympathique, mais plus déguisés, on va dire ça comme ça, avec effectivement cosplay. Et sans doute aussi un moment, je dirais, plus intellectuel avec Akaout. Donc, globalement, on associe la culture japonaise à des épreuves sportives japonaises. Donc, le Japan Weekend, c'est ça. Mais c'est vraiment uniquement une démarche par rapport à la culture japonaise sportive ou, je dirais, culture au sens noble du terme. Voilà. Très bien. Vous avez parlé, voilà, je vais pas revenir sur l'Ekiden et les différentes animations, vous les avez bien développées. Comment est-ce que vous est venue l'idée de la Japan Weekend? Donc je rappelle que c'est la troisième édition que vous organisez sur Strasbourg. Comment est-ce que sur quelle base vous partez pour créer cet événement? Je vous ai dit au départ, c'est la résultante d'un événement sportif qui s'appelle l'Ekiden. En fait, on a démarré l'Ekiden, alors ça doit être 2016 ou 2017, un truc comme ça, je ne me souviens plus de la date exacte. On a démarré un Ekiden. Alors l'Ekiden, comme je vous l'ai dit, c'est le marathon relais. Cet Ekiden, chaque année, il y avait de plus en plus de stands japonais. Et donc, de plus en plus le développement de l'éthique japonaise. J'insiste là-dessus. Et puis, il y a 3 ans, on a décidé que l'Ekiden n'était plus l'élément central, mais que l'Ekiden, il faisait partie d'un ensemble qu'on appelle aujourd'hui le Japan Weekend. Et faisant partie de cet ensemble, évidemment, ça signifiait qu'on y rajoutait, comme je vous l'ai dit, les arts martiaux, mais aussi toute la culture japonaise, j'en ai déjà parlé, hein, donc je ne vais pas le reprendre, mais aussi toutes les expositions qu'on peut avoir, sachant qu'on a un partenariat fort, bien sûr, avec le consulat du Japon, mais avec une autre structure qui s'appelle le CEJA, le Centre européen des études Japon-Alsace, qui est une structure qui d'ailleurs est en train de monter un musée du manga à Colmar, c'est pour 2026 ou 2027, je ne sais plus, mais globalement, nous avons des partenariats forts, et bien sûr, nous avons la chance d'avoir à Strasbourg une vraie envie de culture japonaise, ou nippone, si vous voulez. Donc, il y a un terrain favorable, ça c'est une chose, et deuxièmement, je peux vous dire, l'an dernier, on avait 7 à 8 000 personnes qui ont passé pour 1 500 coureurs. Entre 7 et 8 000 personnes ? Qui ont passé sur l'îlot, sur le village partenaire, oui. D'accord. Et combien de personnes ont participé à l'Equiden l'année dernière? 1500 à peu près, peut-être 1400, enfin disons 1500. 1500. Et comment est-ce que vous expliquez un petit peu ce succès par rapport aux chiffres? Pourquoi est-ce que les visiteurs, ou aussi bien les marathoniens, j'ai envie de dire, ont envie d'aller à la Japan Weekend? Alors, il y a deux réponses. Une réponse sportive et une réponse, je dirais, d'intérêt pour la culture japonaise. On va le dire comme ça. Il y a une première réponse, c'est la structure sportive, effectivement, faire une compétition en équipe. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui est très important, parce qu'il ne faut pas oublier que les équipes, il y en a très peu qui sont en fait des clubs. Hein. La majorité, c'est des entreprises, c'est des copains, enfin tout ce que vous voulez. Donc, si vous voulez, le succès de l'Equiden, c'est ça. C'est une épreuve par équipe et sur une distance mythique quand même qui s'appelle le marathon. Sachant que là aussi, il y a un mixte avec des gens qui feront du 5 km, d'autres qui feront du 10. Mais le dernier fera même 7 km 195. Donc je veux dire par là, il y a aussi une logique, si vous voulez, de course ensemble et surtout une logique, si vous voulez, de convivialité dans l'équipe. C'est l'occasion de faire une fête ensemble. Il faut pas le tromper. Et bien sûr, il y a les 4 ou 5 équipes, il y en a 6 ou 7 qui veulent effectivement gagner. Oui, celle-là, oui, mais il y en a très peu. Ce qui est important surtout, c'est que c'est une épreuve, en relais, et c'est vrai que c'est le côté sympa, mais c'est vrai que c'est bien relayé par rapport au et notamment par rapport à la Poste cette année, par rapport à JP. Donc, l'Equiden, c'est l'équipe AJP, c'est notre partenaire titre. Oui. Et c'est aussi très bien relayé par rapport à l'EMS, donc l'Eurométropole, qui aligne aussi, je crois, une quinzaine d'équipes. Donc, vous voyez, il y a derrière, bien sûr, toute une démarche d'entreprise. Il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà où on en est. Donc, en clair, pour aller plus loin encore, puisque vous me posez d'autres réponses, pourquoi il y a autant de personnes? Il y a une culture japonaise à Strasbourg. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a un département de japonais, donc il y a d'autres parts qui attirent, il y a d'autres parts la maison universitaire en Japon, il y a d'autres parts une série d'entreprises japonaises qui sont en Alsace, et puis il y a derrière tout le travail qui est fait depuis des années. Je vous rappelle que les premières rencontres se faisaient entre, ça date dans les années 1960, je me trompe peut-être de date, hein. C'était tout simplement l'impression des motifs japonais sur l'étoffe à Mulhouse. Oui. Ça date de cela, de ce temps-là. Il y a le fameux Ginkgo biloba remis par l'empereur. C'est vrai qu'à l'époque, l'Alsace était allemande, mais c'était Frédéric II. Donc voilà, donc, il y a toute une histoire qui a quand même beaucoup d'années. Et d'autre part, les relations franco-japonaises, en termes officiels, ça fait quand même 60 ans. On a en fait entre cette année et l'année prochaine, non, l'année dernière et maintenant, les 60e année de ces relations, entre la Strasbourg, enfin entre l'Alsace plutôt, parce que c'est plus juste, c'est plutôt l'Alsace, puisque le CEJA a démarré effectivement sur la partie orinoise, mais bien sûr entre le Japon et effectivement l'Alsace. Donc quand même, c'est pas rien, et donc c'est pas rien, et derrière vous voyez qu'on a l'idée de faire un musée du manga, c'est pas rien non plus. Oui, bien sûr. Voilà. Par rapport à l'Equiden, quelles sont les conditions pour s'y inscrire? Quelles sont les modalités, et est-ce que c'est encore possible de s'y inscrire? C'est possible jusque au jour d'avant, c'est-à-dire le samedi 6 avril 2024. D'accord, donc la veille de l'Equiden. Oui, après le jour même, donc je ne prends plus l'inscription. Après, il faut quand même que vous sachiez que j'ai quand même un quota, enfin une limite qui est due au nombre de dossards dont je dispose. Oui, et est-ce qu'il vous est arrivé d'atteindre ce quota et ensuite de refuser des personnes qui voudraient y, qui ont voulu y participer? On a régulièrement une équipe qui débarque le dimanche matin, effectivement, mais bon, à part ça, on a jusqu'à présent réussi à répondre après tout le monde. Il y a eu des années où on a un peu bricolé, il y avait deux équipes de plus. Mais bon, globalement, disons que, je suis pareil, je ne maîtrise pas les prévisions, hein, mais c'est toujours pareil, c'est que là, on a prévu des... On devrait... disons que si on atteint nos 220 équipes sur le relais à 6, parce qu'il y a trois types de relais, il y a le relais à 6, il y a le relais à 4, toujours sa distance du marathon, et un relais à 2 sur 20 km. Mais bon, c'est sur le relais à 6, c'est la seule épreuve officielle. Bah, on était l'an dernier à 173 équipes, cette année on espère arriver à 220. Voilà. Très bien. Je ne peux pas vous dire plus, parce que je ne maîtrise pas non plus. Et puis après, vous avez l'autre problème, mais je voudrais dire, c'est que les gens s'inscrivent au dernier moment, parce que faire une équipe à 6, bah, ça signifie qu'il y a 6 personnes qui courent et 6 personnes qui sont en état de courir. Ok. Vous avez parlé des différents arts martiaux présents pendant l'événement. Est-ce que les visiteurs pourront s'initier aux arts martiaux présents ou est-ce qu'il s'agira juste de démonstrations? Il s'agira de démonstrations, mais l'objectif, c'est qu'ils rencontrent les responsables des structures de démonstration. Pour pouvoir s'inscrire éventuellement dans leur dojo après. Oui, parce que c'est difficile de mettre l'atelier. J'ai une scène, hein, et j'ai quand même... alors attendez, je vais vous le dire, je crois que j'ai 8 séquences. Le samedi, j'ai du karaté, j'ai du judo, j'ai de l'aïkido, j'ai du kobudo karaté, j'ai de l'aïkibudo, et j'ai du yaido, et du yodo et du batodo. Le lendemain, j'ai aussi de nouveau 4 séquences avec du taizo, et puis ensuite, oui, il y a une séquence de kudo. Ça, c'est du tir martial, on va dire. Ok. Et ensuite, j'ai du Kobayashi Ryu aïkido. Donc, si vous voulez... c'est les séquences, c'est chaque fois une demi-heure. Donc, j'ai 8 ou 9 séquences d'arts martiaux. À côté de ça, bien sûr, j'ai du taïko, j'ai 4 séances hein, de taïko. Oui. J'ai bien sûr yosakai, la danse japonaise par yosakoi. Yosakoi, c'est 4 séquences aussi. Oui. Et après, si je continue, j'ai le défilé cosplay. Disons que les deux jours sont largement occupés. D'accord. Et à côté de ça, alors, puisque on est en train de, je vais compléter mon propos, ça se passe au village partenaire, mais il y a des choses qui se passent au cinéma qui est juste à côté. C'est bien sûr la partie vidéo. En vidéo, oui. C'est Mario Kart, hein. Donc c'est une compétition de Mario Kart sur 2 salles de cinéma. Oui. Ce qui est pas mal. Et d'autre part, et ensuite, il y a dans la salle de cinéma, il y aura du shamisen et il y aura effectivement un film dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est les délices du Japon, un truc comme ça, mais j'ai oublié le nom. Voilà. Ok. Ce qui est pas mal. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a la passerelle parmi Claudel où il y a le village partenaire. Il y a ensuite la zone Equidem, oui. parce que 2000 personnes, on ne sera pas tout à fait à ça, mais il y a une zone bien spécifique, oui. Puisque vous savez, quand on fait de l'Equidem, il y a du relais, donc il y a une D'accord. zone spécifique de relais, c'est toujours un peu compliqué à organiser d'ailleurs, hein, parce qu'évidemment, chacun veut soutenir son partenaire. Okay. C'est normal. Hein. Et ensuite, vous avez le cinéma qui est ouvert, et il y a aussi un événement, la médiathèque qui est juste à côté, c'est du jeu de go. Oui. Oui. Jeu de go, oui, tout à fait. Oui. Et à côté de ça, il y a encore une exposition des châteaux du Japon faite par un photographe qui est strasbourgeois, mais qui a en ce moment été au Japon et qui fait des photos. Et ces photos sont exposées. Et qui les expose à cet endroit. Voilà. Enfin, pas que, puisque pendant une semaine, ils sont aussi exposés au centre commercial d'à côté. D'accord. Donc, voilà tout ça. Donc, si vous voulez, c'est complet, quoi. Ok. Alors, ma dernière question, alors celle-là sera plus personnelle. Parmi les arts martiaux présents, c'est lequel votre préféré? Oh. Alors là, c'est une bonne question. Si vous voulez, à titre personnel, c'est le karaté. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi le karaté? Oh, parce que je les connais bien. Non, c'est parce que le karaté, j'ai assisté à... des séances de levée de sabre, des choses comme ça, et oui. Ça m'avait beaucoup impressionné. Voilà. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Schneider. Donc, on vous souhaite une belle réussite pour cet événement. Donc, je rappelle pour les auditeurs, hein, notez bien dans votre agenda la Japan Weekend les 6 et 7 avril à Strasbourg sur la presqu'île Malraux. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Schneider. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de la lanterne des otaku. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous le mois prochain pour la prochaine émission. Sayonara à tous!